Bonjour mes chers amis, et nous continuons à étudier l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes au chapitre 6, au verset 10. Notre bon Père du ciel, tu vas nous parler de quelque chose de vraiment extraordinaire. On ne pourrait jamais savoir ces choses-là si tu ne les as pas dites, si tu ne les as pas dites par l'apôtre Paul. On ne pourrait pas savoir ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Mais même si on est devant une armée au-delà de beaucoup plus puissante que nous en tant qu'êtres humains, nous sommes sans crainte. Donc conduis-nous afin qu'on puisse te glorifier. Amen. Nous avons vu depuis chapitre 4 marcher dignement selon l'appel que vous avez reçu de Dieu, marcher dans l'unité de l'esprit, marcher dans l'unité de la foi, marcher non pas comme des païens, marcher dans comme des hommes nouveaux, marcher à l'exemple de Christ dans l'amour de Dieu, marcher étant soumis les uns aux autres. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui dépasse un peu notre entendement jusqu'à certains points. On n'aurait pas pu penser cela. C'est parce que ça nous est dit ici. C'est vraiment intéressant de voir que l'auteur, je l'ai fait ressortir tout au long du livre, l'auteur nous a parlé des lieux célestes. Donc ici, nous tirons à la fin du livre et il va terminer en disant « Dieu dans les lieux célestes a fait quelque chose de bon pour vous. Il vous a uni à Christ. Mais dans les lieux célestes, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, est en guerre avec Dieu. Et du fait que vous êtes associé avec Dieu, vous êtes aussi en guerre avec cette armée méchante. » On va lire jusqu'au verset 12. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ça, c'est l'exhortation qui nous passe à la fin. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. On va voir pourquoi il nous le demande. Parce qu'on est en guerre. Donc il dit, allez chercher votre force dans le Seigneur. Ma force n'est pas dans l'obéissance au Seigneur. Ma force est dans le Seigneur. Okay? Ma force n'est pas dans ma capacité d'obéir. Ma force, c'est sa force toute puissante. Donc, pour confronter l'ennemi qui va me présenter, je dois être capable d'avoir une ressource qui est plus grande, une force qui est plus grande que l'ennemi. Je dois avoir accès à une puissance qui est plus grande que la puissance de mon ennemi. Sans ça, je vais perdre la guerre. N'est-ce pas? Donc, il dit, il faut que tu ailles chercher ta force dans le Seigneur, dans sa puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Pour être fort dans le Seigneur, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, Dieu a des armes pour son peuple. Chaque homme, chaque femme, chaque épouse, chaque mari, chaque enfant, chaque mère, chaque père, chaque esclave, chaque maître, chaque juif, chaque grec, chaque païen, on a tous les mêmes armes. On a tous accès à la même puissance. Puis on a tous accès aux mêmes armes pour obtenir le même résultat. Donc il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de quoi? De tenir ferme contre les ruses du diable. Si vous interprétez le texte ici, afin de ne pas jamais pécher quand le diable va vous tenter, ben, vous n'avez pas certainement pas pris toutes les armes parce que vous péchez tous les jours pareil comme moi. C'est pas des armes pour ne pas pécher ici. C'est des armes pour tenir ferme dans la foi. C'est des armes pour persévérer jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'au retour du Seigneur. C'est tenir ferme comme il va dire au verset 13, tenez ferme après avoir tout surmonté, après vous avoir converti et d'avoir entamé votre vie chrétienne, si vous voulez tenir jusqu'à la fin, ce que d'autres textes vont parler de la persévérance des saints, si vous voulez tenir ferme, vous devez vous revêtir des armes de Dieu. Vous devez avoir, vous appuyer sur la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit l'armée contre laquelle vous avez à vous battre est au-delà plus puissante que vous, individuellement, par vos propres forces. Vous n'avez pas à lutter contre la chair, l'esprit. T'as pas à lutter contre les Juifs dans l'église, là. T'as pas à lutter contre les païens, là. T'as pas à lutter contre ton maître, t'as pas à lutter contre tes esclaves, t'as pas à lutter avec tes parents, t'as pas à lutter avec tes enfants, t'es pas en guerre avec ton mari, t'es pas en guerre avec ta femme. Non! Si vous êtes en guerre, toute l'église, tout le peuple, vous êtes en guerre contre une armée invisible, qui est le seul moyen d'y faire face, c'est d'avoir recours à la puissance de Dieu, d'avoir recours aux armes de Dieu. Et si vous faites cela, vous allez pouvoir être ferme jusqu'à la fin. Il dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le but, c'est de tenir ferme. Le but, c'est pas de pouvoir résister à chaque tentation parce qu'on tombe. On tombe, frère et sœur. Mais c'est pas ça dont il parle ici. Et le fait que nous allons recourir aux armes de Dieu, à la puissance de Dieu, pour persévérer jusqu'à la fin, pour tenir ferme jusqu'à la fin, contre une armée beaucoup plus puissante que nous, ça veut dire que si on fait cela, toute la gloire va revenir à Dieu. Non pas seulement pour mon salut, justification, non, pas seulement pour le pardon de mes péchés, mais pour toute ma vie chrétienne, pour le fait que je vais persévérer jusqu'à la fin, toute la gloire va lui revenir. J'ai pas de gloire à me revêtir de ce qu'un autre a fait. Je m'attends à avoir aucune récompense pour me revêtir de ce que l'autre a fait, pour l'œuvre de quelqu'un, pour la puissance d'un autre. Chaque élu, chaque prédestiné, chaque racheté, chaque héritier, chaque scellé va tenir ferme jusqu'à la fin parce qu'ils ont recours à la même puissance, aux mêmes armes. C'est la seule manière de pouvoir persévérer. Tous ceux qui vont arriver au ciel dans les nouveaux cieux, nouvelles terres vont dire « Wouhou! » Une chance qu'on avait l'armure de Dieu, une chance qu'on avait les armes de Dieu, une chance qu'on avait la puissance de Dieu. Sans ça, on n'aurait jamais été capable de tenir ferme. Voyez-vous, on va donner gloire à Dieu. Dieu a fait toutes choses pour célébrer la gloire de son nom pour l'éternité. Donc, pour recevoir la gloire, il dit, si vous voulez tenir ferme, prenez mes armes. Maintenant, regardons les armes qu'il a mis à notre disposition. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Verset 14. Tenez donc ferme. Là, il va nommer des armes. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité. Deuxième, revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième arme, la justice. Mettez à vos pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, troisième arme, l'évangile de paix. OK? Donc, vérité, la justice, l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Quatrième arme, la foi. Parle avec lequel vous allez pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin qui vont vouloir faire perdre la foi. OK? Cinquième, prenez le casque du salut. Donc, le salut est une arme. Sixième arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ça, c'est nos six armes. Il y en a qu'on peut rajouter pour faire très biblique, la septième arme qui va être la prière. Quelles sont ces armes-là? Oh, je me souviens, dans le temps passé, j'avais fait une série. Je pense que j'avais fait quasiment un message par arme. Mais on va simplifier ça, parce que c'est plus simple que je pensais dans ce temps-là. On apprend en vieillissant. Il y a des inconvénients à vieillir, mais en même temps, il y a des bons côtés. On apprend. On comprend mieux que c'est pas sur nous que ça dépend. Ça dépend de l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner une vérité ici. Les 6 armes ou les 7 armes qui nous sont présentées ici, c'est le verset 3 au verset 14 du premier chapitre. Vous allez vous battre en prenant ce que Dieu a fait pour vous. Vous allez vous battre contre le diable et toute son armée en leur mettant devant la face ce que Dieu a fait pour vous. C'est pas en obéissant aux 10 commandements que vous allez faire, vous allez combattre l'armée démoniaque. C'est en leur disant ce que Dieu a fait pour vous. C'est en leur disant, moi, j'ai la vérité pour ceinture. La vérité que Dieu nous a déclarée. La vérité qui est Jésus-Christ. J'ai la vérité, moi. OK? Donc, quand tu me dis un mensonge, j'ai la vérité. Je te combats avec la vérité. Non pas avec l'obéissance, mais avec la vérité. Je te combats pas avec ma propre justice. Je te combats avec la justice que j'ai obtenue de Dieu, qui m'a uni au Christ. Par le fait que je suis uni au Christ, je suis juste par l'œuvre de Christ. Donc, essaye pas de me faire passer pour un injuste. Ma justice ne vient pas de mon obéissance, ma justice me vient de Dieu. Je n'ai pas un zèle en moi-même. J'ai le zèle que donne l'évangile de paix. Je suis en paix avec Dieu parce que Dieu a fait la paix entre moi et les Juifs et les Grecs et entre moi et Dieu. C'est Dieu qui a fait la paix. Donc, je te présente pas ma paix, je te présente la paix que Dieu a faite entre moi et lui. C'est pas moi qui ai fait la paix avec Dieu. C'est Dieu qui a fait la paix avec moi par le sang de la croix. En enlevant le mur de l'inimitié, c'est Dieu qui a fait la paix. Donc, je me bats pas avec ma paix que je peux obtenir. Je te bats pas en étant, bon, ben, je vais pas me sentir coupable, je vais me sentir cool, je vais me sentir que je suis en paix, que tout va... Non! Je fais face au doute par la paix que Dieu a acquis par le sang de Jésus-Christ à la croix. Donc, c'est avec ça que je fais guerre. Ensuite, il dit, je te fais face avec la foi. Pas avec ma foi, mais avec la foi. La foi proclamée une fois pour toutes par les apôtres. Je te fais face par la foi, qu'on a vu au chapitre 4, l'unité de la foi. Donc, hein, le monde et Satan et toute sa non-armée veut m'éprouver, me balloter à tout vent, toute doctrine, je fais face par la foi. Donc, je t'approche pas avec ma foi, je t'approche avec la foi. Je te confronte non pas avec mon salut acquis, je te confronte avec le salut qui m'a été accordé en Jésus-Christ. J'ai été racheté par Jésus-Christ et Dieu m'a pardonné. J'ai été racheté par Jésus-Christ. Mon salut, mon rachat, ma libération m'a été acquise par Jésus-Christ. Donc, je te combats pas avec ma capacité d'être une bonne personne ou avec des bonnes œuvres ou avec de l'obéissance. Je te combats avec le salut que Christ m'a acquis. Quand je doute, je prends pour arme le salut acquis par Jésus-Christ, non pas ma propre capacité. Je te combats pas avec de la philosophie, avec des belles pensées. Je te combats avec l'épée de l'esprit. Cet esprit qui va utiliser la parole de Dieu qui est dans mon cœur pour te combattre. Donc, je me confie que l'Esprit Saint va prendre les vérités que j'ai acquises dans les Écritures, qui m'ont été proclamées quand j'ai entendu l'Évangile, la bonne nouvelle. Elle va prendre cela et elle va confronter ton mensonge, confronter ta folie, confronter ton doute, confronter tout ce que tu voudras m'envoyer comme trait, comme flèche, comme lance, comme boulet. Je vais te confronter avec l'armure de ce que Dieu a fait dans ma vie et non pas ce que moi je suis capable de faire pour Dieu. Oh, j'espère que vous comprenez bien cela, mes frères et sœurs. Mon armure, c'est pas ma capacité de faire des choses, c'est de me revêtir de la puissance de Dieu, me revêtir de ce que Dieu a fait pour confronter les attaques du malin. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 18, « En tout temps, par l'Esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Voyez-vous, on revient avec tous les saints. Prions les hommes, les femmes, les parents, les enfants, les maîtres, les esclaves, les juifs, les grecs. Nous prions les uns pour les autres pour être capables de se revêtir de cette armure-là, de ne pas s'appuyer sur nos efforts, notre chair, notre obéissance, mais de s'appuyer sur l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et ainsi, Dieu va être glorifié. Ô Dieu, dans la prière, ô Dieu, aide-nous à saisir la grandeur de ton salut. Aide-nous à comprendre qui tu es, qu'est-ce qu'était ton plan. Aide-nous à comprendre ton élection, ta prédestination, ta rédemption. Aide-nous à comprendre que nous sommes assis dans les cieux, que nous sommes destinés à un héritage. Aide-nous à comprendre comme la prière que Paul a faite dans le chapitre 1. Je prie que vous compreniez la grandeur de Dieu et la grandeur de son plan, la grandeur de son héritage. Et au chapitre 3, je prie que vous compreniez la grandeur de l'amour de Dieu. C'est ça dont il parle ici. C'est pas prier afin que vous soyez pas malade, prier afin que vous soyez des bons petits chrétiens, prier afin que vous soyez pas orgueilleux. Non. Et c'est ça qu'il dit au verset 19, priez pour moi aussi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment le mystère de l'Évangile. Donc, priez que moi aussi, je prêche l'Évangile. Je prêche la bonne nouvelle de l'Évangile. Le mystère de Dieu qu'on a vu au chapitre 3, que les païens sont cohéritiers avec Dieu. Avec les Juifs. Et ce mystère que Dieu nous a révélé qu'avant la fondation du monde, il nous a unis à Christ. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et quand j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Priez pour les uns, pour vous autres, priez pour vous autres et priez pour moi afin que jusqu'à la fin, nous soyons fermes et que nous puissions proclamer la bonne évangile de Dieu, le mystère de l'évangile, qu'on puisse proclamer ce que nous avons entendu à d'autres. Oui, l'armée contre laquelle nous avons à nous battre est au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Ça a l'air terrible, ces princes, ces autorités, ces dominations-là, qui sont très puissantes. Mais nous, on est plus puissants. Hein, quand il y a le petit verset, avec Christ, nous sommes les plus forts. Avec Dieu, nous sommes plus forts que l'armée démoniaque. Parce que nous ne nous appuyons pas sur nos propres capacités, mais nous, on s'appuie sur l'œuvre de Dieu en nous. En nous. Quand les chrétiens doutent, c'est parce qu'ils ne s'appuient pas sur ce que Dieu a fait. Quand les chrétiens se posent des questions s'ils sont assez bons chrétiens, c'est parce qu'ils ne s'appuient pas sur l'œuvre de Dieu. Ils s'appuient sur leur propre capacité, sur leur propre obéissance. Ne nous appuyons pas sur nos œuvres, mais appuyons-nous sur l'œuvre de Dieu. Notre bon Père du ciel, sois béni. Oh, sois béni que tu nous as donné une armure. Et notre armure, c'est toi-même. C'est ta personne. C'est ton œuvre. C'est l'œuvre en Christ. C'est ça notre armure. Notre armure, c'est qu'on est caché derrière toi ou en toi. Au nom de Jésus. Amen.